guitare. Je rêvais enfin de vivre libre comme un gitan. Je voyais des plages de sable noir où couraient des chevaux sauvages. Et je dessinais dans mes cahiers les sentiers secrets des montagnes d'Espagne. Quand plus tard j'apprenais mes premiers accords de guitare, sur les routes je partais sans bagage en rêvant d'autres paysages, où je suivais les gens du voyage dans des caravanes, où sont des violons tziganes. Vivre ma vie comme un guitare, avoir la musique dans le sang, et pour l'amour n'avoir dans la peau qu'une seule femme à la fois. Vivre ma vie comme un gitan, vivre ma vie comme je l'entends, avoir la liberté pour drapeau, sans foi ni loi pour credo. Je le suis et le resterai le temps de mon vivant. Mes guitares sont d'Amérique et mes paysages de grands espaces blancs, où je roule seul dans ma caravane en éternel exil et dans la jungle des villes. Oh, vivre ma vie comme un gitan, avoir la musique dans, et pour l'amour d'avoir dans la peau qu'une seule femme à la fois. Vivre ma vie comme un gitan, vivre ma vie comme je l'entends, avoir la liberté pour drapeau, sans foi ni loi pour credo. Oh,